premier temps d'une série documentaire de la Fabrique de l'Histoire sur les révolutions des années 1960. Commencer cet été, et avant de proposer des rediffusions de documentaires de la Fabrique sur les révolutions politiques des années 1960, nous vous proposons ce matin un documentaire original sur une révolution technologique qui a bouleversé ingénieurs et techniciens des deux côtés de l'Atlantique, la Mondiovision. De quoi s'agissait-il ? Eh bien, de transmettre des images télévisées des États-Unis vers l'Europe grâce à un satellite, le satellite Telstar. Et cette opération a rendu célèbre un village des Côtes d'Armor dans le Trégor. Plumeur Baudou et son fameux radome, tout enfant des années 60 comme moi s'en souvient. Un documentaire de Catherine Decopé et de Thomas Duterre, Un ballon dans la lande, l'aventure spatiale de Plumeur Baudou, avec les témoignages de Jean-Pierre Collin, de Marcel Joran, d'Albert Lefaou, de Raymond Legrand, de Bernard Loriot, de Marie-Laure Santander, de Pierre Thérien et de Serge Thomas, jusqu'à 10h ce matin dans la Fabrique de l'Histoire. Alors là, ça n'existe pas. Ma mère me dit de bien voir ce qu'il y a dans le... Bien voir ce qu'il y a dans la lande. Ah, le voilà. Et on le voit. On le voit bien là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les armes, mais à l'époque, les armes n'avaient pas la grandeur de ce qu'ils ont aujourd'hui. Ce qui fait que le ballon se voyait très bien. Donc, on est à combien de mètres là, à peu près? Là, vol d'oiseau, on est à 500 mètres à peu près. Quand j'étais adolescent, j'étais un passionné de Jules Verne. Quand on a entendu parler de ce qu'on allait faire à Plumeur Baudou, j'ai donc été volontaire parce que je savais qu'on allait faire une chose que personne n'avait jamais fait. En Europe. Voilà. C'était très enivrant, cette atmosphère. Quand on construit comme ça quelque chose de... Quand même, c'est un peu comme pour aller à la Lune, ça a dû être les mêmes ambiances. On est surexcité, heureux, j'allais au boulot en courant, ça m'était jamais arrivé. On avait le sentiment de participer à l'aventure des télécoms, dont on sentait que c'était en train d'évoluer assez fortement avec les satellites. C'est le satellite Telstar de la compagnie AT&T, la ville de New York sur l'océan Atlantique. Un ballon dans la lande, l'aventure spatiale de Plumeur Baudou, un documentaire de Catherine Decopé et Thomas Duterre. Et ici, chez nous, à la station spatiale bretonne de Plumeur Baudou, près de Lannion, réception parfaite et de l'image et du son. C'était cette nuit. Pierre Thérien, on se trouve dans quel quartier de Plumeur Baudou ? On se trouve dans le quartier de Pont-Coulard. Pour moi, personnellement, le chemin de Saint-Uzec, il y a un pont, le Coulard qui est une rivière, qui passe même à proximité du radome hein, de Plumeur. Beaucoup de petites fermes. Et bien sûr, ce site était un peu de terre inculte. Hein, c'était les Landes bretonnes. Les premiers touristes commençaient à venir, parce qu'on a quand même une commune littorale, parce qu'on a 17 km de côte. Lannion, il n'y avait que des vieilles boutiques. Yvette Lefaou. C'était des vieilles merceries, des vieilles épiceries. Il n'y avait vraiment rien, quoi. C'est vrai. Et beaucoup d'ailleurs de femmes de polytechniciens qui sont venues ici ont obligé leur mari à repartir sur Paris. Certaines. Elles ne se faisaient pas du tout à la vie ici en province. Moi, je ne connaissais pas Lannion avant d'y être venu pour cet emploi. Je n'avais jamais mis les pieds. Donc j'ai découvert la région. Bernard Loriot. Et j'ai vu que c'était une petite ville. Bon, c'est vrai, moi je venais de Rennes, j'étais étudiant. Il n'y avait pas un café où on avait envie d'aller à Lannion. Il n'y avait que des petits troquets un peu minables où des petits pépés buvaient leur verre de rouge. Beaucoup de femmes bretonnes portaient encore la coiffe. Mais vous pouvez pas savoir la différence inimaginable en 40 ans. Ça a été prodigieux pour le pays. Prodigieux pour tout le pays et alentour. Je suis originaire de la commune de Ploulaire, à côté de Lagnon. Je suis né au bord du Léguer. Marcel Joran. Au Yodet. Et dans mon bled, où j'habitais à Trédrez, mais ce n'était que des familles de 8-10 enfants. Et ils allaient travailler à Paris. Tous dans la région de Saint-Denis, soit les Gaz de France, la RATP. Alors, s'est posé la question de cette histoire de fameux aménagement du territoire et donc la décentralisation du CNET à Lagnon. La Bretagne en marche, émission télé de la RTF. Industrie de la chaussure, construction navale, industrie du bâtiment, industrie alimentaire aussi, constituaient les activités industrielles classiques d'une région à vocation essentiellement agricole. Il en fut ainsi jusqu'en 1960, date à laquelle fut prise la décision d'industrialiser la Bretagne afin d'endiguer l'exode rural. Première décision, une vocation électronique est reconnue à la Bretagne et entraîne l'apparition aux portes de Lagnon, dans les côtes du Nord, des laboratoires du Centre national d'études des télécommunications. Dans la lande de Plumeur-Baudoux, l'édification de la station de communication spatiale permettait à la Bretagne d'être à l'écoute du monde. Je pense qu'il y avait plus de chance en décentralisant dans un endroit désert, si vous voulez, mais en même temps agréable. Pierre Marzin. Et puis aussi dans un endroit où directeur du CNET. On pouvait avoir la chance d'essayer de faire d'un désert quelque chose de fantastique, comme les Américains, par exemple, vous font une ville dans un désert. Eh bien, j'ai essayé de faire cette opération. C'était une station qui était prévue uniquement comme station de réception et d'émission des ondes satellites. Il y avait deux localisations. Il y avait la station spatiale qui se construisait à Plumeur-Baudoux et le centre de recherche qui était en cours de construction, qui était à Lagnon. Перед вами первый советский искусственный спутник Земли. Спутник весит 83,6 килограмма. Le monde, à cette époque, est en pleine guerre froide. Quelques années plus tôt, en 1957, les Soviétiques ont marqué un point dans la conquête spatiale en envoyant sur orbite le Spoutnik, premier satellite artificiel de l'histoire. Pour ne pas être en reste, les Américains lancent alors les programmes Telstar et Relay, avec pour objectif de relier, grâce à des satellites, les États-Unis et le continent européen. Follow the rocket's red glow, waiting for the blinding burst of flame that will signal the igniting of the second stage. Développé par les compagnies AT&T et Bell Labs, le programme Telstar va s'incarner dans la construction de deux stations spatiales relais, l'une dans le Maine, aux États-Unis, l'autre en France, à Plumeur-Baudoux. Un chantier qui est venu bouleverser en quelques mois la vie de ce village rural. And the satellite responds. It relays not only television signals, but telephone calls, still pictures, and teletype messages. Before Telstar, relaying a live transatlantic television signal would have required a mid-ocean tower at the impossible height of 150 miles. Monsieur Terrien, on se trouve dans la cour de votre maison. C'est là où vous êtes né? C'était donc la ferme de mes grands-parents, de mes parents. Et je suis né dans cette ferme en 1948, ce qui fait que donc, bien sûr, toute cette vie du radom de Plumeur-Baudoux, je l'ai connue enfant dans cette ferme avec mes parents. Et à partir de 1961, puisque déjà à l'époque, mon père était adjoint au maire ici à Plumeur-Baudoux, et ce qui fait qu'il avait des petites choses qui lui revenaient sur une construction possible ici à Plumeur-Baudoux, mais ça restait quand même assez secret. Raymond Legrand, vous êtes né à Plumeur-Baudoux? Oui, en 1er janvier 1937. Je suis né à la ferme, au fond, là-bas. J'avais 21, 22 ans. J'ai mon oncle qui était à la mairie, et on a vu vendre quelque chose, mais on ne savait pas trop quoi. Il recherchait des terrains. On avait 4 hectares qui sont partis, là. On n'avait pas le choix, hein. C'était déclaré utilité publique et C'était des terres qui étaient utilisées pour l'agriculture ou pas du tout? Si, nos terres à nous étaient agricoles. Quoi. Mais le reste aux alentours, c'était de l'ajon, de la bruyère. Mais ils ont quand même pris 150 hectares en gros. Quoi. En gros. Mes parents n'ont pas été impactés par l'achat de terrains. Après, donc, lorsque les terrains ont été achetés, ce qu'on a vécu ici quand même dans ce quartier, c'est bien sûr l'arrivée des salariés pour la construction de ce radome, où d'un village tranquille, on s'est retrouvé ici quand même avec un village en ébullition. Hein, donc beaucoup de monde à venir travailler. Et enfant, je me rappelle aussi, puisqu'on a un café juste à 300 mètres de la maison, qui est aujourd'hui Café du Radom, mais bien sûr à l'époque n'était pas le Café du Radom, c'était un café de campagne, où les ouvriers arrivaient là le soir et cherchaient du boulot. Quand on a débuté là-haut, justement, ben, on est parti les voir, et puis venant de la ferme, on nous a demandé quand c'est que vous êtes libre. Vous êtes libre demain, paf, ça y est, c'est... et on a commencé comme ça. Vous avez rejoint le chantier en 1961 avec votre frère, c'est ça? Le début, oui. Et on nous a fait confiance, nous, venant d'une ferme, ils ont bien vu qu'on avait le potentiel. Quoi. Le travail au radom de Pleumeur-Baudou était les 3-8, nuit et jour. Nous avions le bruit des bétonneuses, la lumière, le monde qui passait. Et enfant, je me rappelle voir des gens arriver ici, manger avec nous, mon père les mettre à dormir sous le grenier à foin pour attendre le lendemain pour aller trouver du travail. Mais ces gens-là étaient embauchés le lendemain. Nous avons étudié en août dernier, Pierre Marzin, quels étaient les moyens d'être prêts à cette époque-ci avec une station française. Eh bien, le résultat de nos études, c'est qu'il fallait compter 3 ans de délai. N'est-ce pas ? Nous attaquons ici des choses spatiales. Et il ne faut tout de même pas reprocher à la France d'être en retard dans un domaine où les Américains dépensent actuellement plus de 1 000 milliards par an et depuis un certain nombre d'années. Par conséquent, il ne nous restait plus que la solution de demander une assistance complète aux gens d'Amérique qui étaient les plus avancés dans la question, qui faisaient d'ailleurs la station américaine, c'est-à-dire l'American Telephone and Telegraph Company. Plumeur Baudou, Brittany, France. In this corner of historic countryside, months of intense activity, of consultation and construction, are focused on a few crucial hours. Here, beneath its ray dome, waits another great horn antenna, sister of the one at Andover. Il y avait des coups de mine tous les jours à midi, et après c'était les pelleteuses qui arrachaient les cailloux. J'ai vu un jeune arriver là, on lui a demandé « qu'est-ce que tu sais faire ?» Bof, que du « je viens travailler ». Tu veux prendre la pelleteuse, là, que dit. Et le lendemain, il avait la paye de grutier. Et tout jeune. Et alors vous faisiez quoi, vous? Et moi, j'étais à la bétonneuse, j'ai fait que du béton. Le radom, c'est une partie, c'est moi. Et alors, est-ce que vous aviez conscience, Raymond Legrand, de ce que vous étiez en train de construire? Non. Non. Franchement, non. Moi, j'ai fait du béton, je faisais du béton, mais j'ai même pas vu la construction, en somme. L'antenne a été construite en 9 mois. Tout arrivait en kit des États-Unis. Jean-Pierre Collin. Avec les ingénieurs américains qui étaient donc chargés de diriger le montage. Et puis des techniciens français qui ont été recrutés sur le volet, si je peux dire, pour les aider. Et vous, à l'époque, vous faisiez le lien entre les Américains et les Français? Moi, je faisais un peu. Oui, alors c'était amusant parce que je faisais le lien que je pouvais. Parce que les ouvriers qui avaient été recrutés en Bretagne, ils parlaient breton entre eux. Et moi, je suis normand, donc je comprends rien au breton. Et puis, je suis pas très fort avec les Américains non plus. Donc, c'était pas facile, quand les Français avaient mal travaillé, d'essayer d'expliquer aux Américains la raison. Donc, on était toujours avec un carnet, avec un papier, avec un crayon pour essayer de se comprendre. Now TV stations can reach out beyond the horizon, around the curve of the earth. Already special telecasts have crossed the Atlantic, America to Europe, Europe to America, heralding the day when 30 or more telstars will girdle the earth in a global network, helping nations find among themselves a common understanding and in that understanding, a brighter hope for peace. Marie-Laure Santander, vous avez été interprète, c'était votre métier d'être interprète? Non, c'était le hasard. Quand j'ai pris le boulot, là, parce que je venais de rentrer en Amérique. Je faisais les snack bars. On me disait, don't come back tomorrow, you're no good. Oh, ok. Alors, ils m'ont pris tout de suite. Parce que moi, je servais surtout, c'était... côté téléphone, vous savez, le téléphone d'un américain qui vous parle à toute vitesse. Heureusement que j'avais passé 4 ans, parce que c'est affreux. Bon, il y a eu 60 américains à un moment. Hein. Donc je m'occupais de leur hôtel, de leur trouver ce qu'il fallait, et alors ils sont arrivés avec des casseroles, des ferrères passés. Enfin, ils croyaient arriver chez un pays de barbares. Alors c'était affreux de voir ça, parce que il y en avait qui arrivaient avec leurs meubles. C'était une opération qui avait été initiée par les Américains, mais en collaboration avec des Européens, les Anglais, les Allemands, les Français. Bernard Loriot. Et comme on n'avait pas une recherche assez avancée dans certains domaines, on a acheté énormément de matériel aux Américains. C'est-à-dire que la station qu'on a faite à Plumeur-Baudou était en fait la réplique de la station d'Andover, dans le Maine, qui était la station américaine. Ce qui n'a pas été le choix, par exemple, des Anglais, qui ont préféré, eux, prendre un peu de retard, mais faire eux-mêmes les études, prendre des solutions différentes. Par exemple, ils n'avaient pas de radome, ils ont fait une antenne de type parabolique classique, mais beaucoup plus lourde, et ils ont pratiquement mis tous leurs équipements au point. Sur la lande de Plumeur-Baudou, les Bretons, un peu surpris, ont vu, voici quelques mois, pousser en une nuit un étonnant champignon. Sphère de plastique et de caoutchouc haute de 60 mètres, ce radôme gonflé à l'air est le plus grand du monde avec celui d'Andover, dont il est le frère jumeau. Dès le début, j'ai trouvé que le radôme s'inscrivait très bien dans ce paysage de landes et tout ça, cette grosse boule blanche qui était posée là. Et moi, donc, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est... c'est 1962. Pierre Thérien. Quand ma mère, un matin, me réveille et me dit « Viens avec moi voir ce qui s'est passé cette nuit. » C'est-à-dire le premier ballon sorti dans ces landes. Quand vous êtes enfant dans un pays où il ne se passait pas grand-chose, et puis qu'un matin, on vous réveille pour aller voir ce ballon que vous voyez aujourd'hui, que vous avez vu en arrivant dans notre commune aujourd'hui, je peux vous dire que ça marque une enfance. Hein. Et j'ai encore là aussi un souvenir d'enfance, parce que j'étais à l'époque en école primaire, ici au bourg de Plumeur-Baudou. Et ce premier ballon qui avait crevé. Et je me rappellerai toujours, voir notre instituteur qui nous dit, venez avec moi derrière, le ballon a crevé. Il y avait une bande de ce ballon qui claquait au vent, on était tous les élèves derrière. Le radôme, c'était une enveloppe protectrice uniquement, hein, parce que l'antenne... avec sa forme de cornet, était extrêmement fragile, en particulier au vent. Si le vent s'engouffrait dedans, elle avait beau peser, je ne sais pas combien de dizaines de tonnes, elle serait envolée, quoi. Mais ça imposait aussi qu'il fallait, à l'intérieur, insuffler de l'air sous pression pour le maintenir gonflé, etc. Et quand il y avait des très très grosses tempêtes, ce qui est arrivé, moi ça m'est arrivé d'aller y travailler une fois où il y avait un gros gros coup de vent, c'était très impressionnant, hein. Ça claquait complètement. Quand on dépassait les 80 ou 100 km/h, on évacuait tout le monde. Et puis on se demandait si ça allait pas s'envoler, tout ça, hein. Donc ensuite, on a fait des antennes paraboliques, beaucoup plus classiques, et il y a eu jusqu'à une dizaine d'antennes sur le site de Plumeur. Cette bulle translucide, qui brille dans la nuit et se voit de loin, protège contre les vents et les différences de température l'instrument essentiel de la station française. Sous son dôme se trouve la grande antenne de Plumeur, l'oreille géante, comme on l'a appelée. C'est une imposante machinerie de métal brillant, longue de 60 mètres, haute de 30 mètres. Elle pèse 300 tonnes, mais doit manœuvrer de façon plus précise et plus fine que le mouvement d'une montre-bracelet. Sur des rails polis au millimètre, balayée pour qu'aucune poussière n'interfère, la grande oreille tourne horizontalement et verticalement pour suivre tous les mouvements du satellite dans sa course. Au creux de son grand cornet, l'antenne reçoit les ondes très affaiblies venues de Telstar. Elle dirige aussi vers le satellite, en un faisceau aussi mince que possible, les ondes qui seront répercutées vers l'Amérique. Elle peut localiser Telstar ou tout autre satellite filant dans l'espace jusqu'à des dizaines de milliers de kilomètres avec une précision du centième de degré. Qui mènent à l'intérieur du radome sont ouvertes. Serge Thomas. On sent déjà dès le hall cette surpression et donc il faut veiller en permanence à ce que les portes ne soient pas ouvertes complètement parce que le radome se dégonflerait très très vite. Vous avez 30 tonnes de toile au-dessus de l'antenne. Si les portes étaient ouvertes en permanence, la toile se dégonflerait et viendrait se déchirer sur l'antenne. Cette bulle vit, on va dire. Cette antenne PB1, c'est une antenne dite antenne cornée. Jean-Pierre Collin. Donc elle est construite pour utiliser un réflecteur parabolique, qui est donc le fond du cornet. Et c'est donc ce réflecteur parabolique qui va donc être capable de recevoir les ondes du satellite. Et à l'extrémité de ce cône, on va donc disposer le récepteur pour capter le satellite et l'émetteur pour transmettre des informations au satellite. Donc cet ensemble-là se trouve dans une cabine dite supérieure qui est juste à notre droite. Juste au-dessus de la tête. Et donc qui va permettre d'installer le matériel d'émission et de réception. Et puis la cabine inférieure qui se trouve placée sous le cornet comporte tous les équipements pour faire tourner l'antenne de façon à poursuivre le satellite au centième de degré près. Puisque le satellite Telstar 1 qui a été le premier suivi, c'est un satellite à défilement qu'on ne voyait que pendant une dizaine de minutes, si je peux dire, et qui se déplaçait à une très grande vitesse. On avait et qui, en plus de ça, avait une puissance extrêmement faible, de l'ordre d'une puissance d'une lampe de poche. Et c'était à 5000 km. Donc il fallait que cette antenne-là soit d'une très grande efficacité d'abord, et puis d'une précision remarquable pour pouvoir suivre le satellite, et bien sûr se déplacer en fonction du déplacement du satellite. Donc quand on pouvait suivre un satellite à cette époque-là pendant 10 minutes, eh bien, on était déjà très content. Et en 10 minutes de temps, on faisait des expériences avec des Américains qui suivaient le même satellite. Et là, quand vous faites ça dans le truc, il paraît que le son vous revient, qui vous fait wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ça se réfléchit sur le sol, ça revient en arrière. Radome, radome. Où est-ce qu'on va monter maintenant ? On va vous monter la cabine inférieure. Attention à votre tête. Alors la cabine inférieure, donc vous voyez, c'est une grande cabine qui ressemble à celle d'un sous-marin et dans laquelle on va trouver d'abord un émetteur qui se trouve là, juste à droite. Je vais vous le montrer. Vous voyez, avec son tube de puissance, qui est donc un clistron, qui va donc permettre de fabriquer des ondes ici, et puis au moyen d'un guide d'ondes, de les transmettre jusqu'à la cabine supérieure, où elles vont être émises vers le satellite. Là, un émetteur, voilà ici, avec son système de fonctionnement. Alors, il ne faut pas oublier que cette cabine inférieure, elle tourne en même temps que l'antenne. Et puis elle est sous la pression du radome. Donc ici, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, et puis qui ne travaillaient pas que sur l'émetteur, parce que je vais vous montrer la suite. Voilà. Alors maintenant, je vous montre des systèmes pour l'orientation de l'antenne. On va en voir un autre. L'autre va s'en... Non, c'est pas ça. Voilà. Donc vous voyez, l'orientation de l'antenne, ça se passait d'une façon... résumé très très très vite, dans le bâtiment principal du centre, il y avait donc un calculateur. Et ce calculateur était là pour donner exactement dans le temps la position du satellite, aussi bien en azimut qu'en élévation. Et ces informations-là étaient transmises à ces appareils-là, qui vont déclencher donc la position de l'antenne pour que les moteurs soient donc activés. Donc si on voit celui-ci par exemple, vous voyez, c'est un tiroir d'élévation. Ça, c'est pour faire tourner l'antenne, le cornet sur son axe. Voilà. Il y a un tas de choses. Alors ici, vous voyez, tout ça, c'est l'ordinateur qui recevait les informations du bâtiment central. Il y a 6 travées de cartes. De cartes électroniques. Au quartier général de l'opération Telstar à Pleumeur-Baudou, M. Le Billon, responsable de la station, dirige les 50 ingénieurs chargés de ce repérage. Il nous explique leur travail. Bon, il est maintenant minuit et demi, j'imagine que c'est fini le travail pour vous maintenant, non? J'espère que c'est fini, oui. Vous avez passé combien de nuits là depuis maintenant? Je me rappelle plus, 3 ou 4 nuits, non? On travaille jour et nuit, on ne sait plus si on est de jour, si on est de nuit, ça doit faire la 3e nuit, je crois. Bon, et bien dans tout ce fracas de cette salle mécanisée, est-ce que vous pourriez m'expliquer en termes à peu près compréhensibles à quoi ça sert tout ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que vous faites? Bien ici, c'est le centre de calcul de la station spatiale. C'est ici que se calculent toutes les trajectoires de satellites. C'est à partir d'ici qu'on obtient des bandes magnétiques sur lesquelles sont enregistrées les données qui permettront de positionner la grande antenne que nous avons sur la position exacte du satellite. L'ère des communications spatiales s'ouvre pour la France et l'Europe sous le radome de la station française de Pleumeur-Baudou. L'antenne de Pleumeur-Baudou amplifie 10 milliards de fois les signaux émis par les satellites, destinés notamment à relayer les émissions de télévision entre la France et les États-Unis. Le matériel électronique le plus moderne est réuni ici dans la lande bretonne. L'ensemble des investissements de la station est de l'ordre de 5 milliards d'anciens francs. C'est avec un satellite nommé Telstar que les stations d'Androver et de Pleumeur-Baudou vont travailler. Telstar pourra relayer non seulement des images de télévision, mais aussi des communications téléphoniques. Inter, actualité. C'est demain que doit être lancé par les Américains Telstar. Et si tout se passe comme prévu, les téléspectateurs américains et européens pourront recevoir dans quelques jours les premiers programmes transatlantiques directs qui seront transmis en se servant du satellite comme d'un relais. Interactualité du 9 juillet 1962, édition de 12h30. On avait pensé tout d'abord à diffuser une séance de l'ONU. Mais il faut bien l'avouer, ce projet n'a pas soulevé un enthousiasme particulièrement délirant en Europe. À l'heure actuelle, on pencherait plutôt vers une solution hybride, mi-politique, mi-variété. Autrement dit, nous aurions la chance de voir en Mondiovision, sur notre petit écran, un homme politique prononçant un discours bien senti et entouré de jolies filles ravissantes, du genre majorette. J'ai l'impression qu'en attendant, et avec un peu de chance, on arrivera peut-être à supprimer l'homme politique et à nous donner le seul spectacle de ces plastiques affolantes made in USA. Canavéral, ce geste fait partie de la routine. Comme est devenu routinier le départ d'une fusée vers l'espace, une de plus. Et pourtant, cette fois-ci, c'est un événement. Nous sommes le 10 juillet 1962, il est 9h48 du matin, heure française. Et voici l'ambiance qui règne dans la salle des télétypes de Plumeur-Baudoux, près de Lannion, où les techniciens français suivent, seconde après seconde, l'annonce de la réussite du lancement d'un nouveau satellite, le Telstar. Pour ceux de Cap Canaveral, c'est un satellite comme les autres, un satellite de plus. Pour les ingénieurs de Lannion, c'est l'épreuve de vérité. Ils ne savent pas encore s'il y aurait une image sur les écrans. Et s'il y en a une, comment sera-t-elle ? J'ai un souvenir de la nuit du 11 au 12 juillet 1962. Bien sûr, on était ici avec mes parents à dormir. Pierre Thérien. Et d'entendre les klaxons, puisque la première émission a eu lieu à 0h47. Et donc, d'entendre la joie des techniciens qui avaient réussi leur exploit. Vous savez, vous, que cette image était presque trop parfaite pour que vous en soyez surpris. Mais il fallut aux techniciens de Lannion plusieurs secondes pour se rendre compte qu'ils avaient bien devant leurs yeux, en direct, l'Amérique. Quand l'image est arrivée et que elle a été saisie par l'antenne, on y a eu Marcel Joran, la bannière étoilée qui est arrivée. Ensuite, la mire avec la tête d'Indien. Un arrêt et puis quelques dizaines de secondes plus tard, c'était la fameuse image avec les patrons, avec Capelle d'ATT. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est le moment de folie. Tout le monde a sauté de joie. Les gens sont montés sur les pupitres, etc. Les bouteilles, certains avaient ramené quelques bouteilles de machin, et on a entendu des bruits de bouchons. Et puis, bon, donc, Pierre Marzin vient toujours donner des explications aux journalistes. Mais c'est là qu'on a senti chez lui, et certainement... chez moi, peut-être le moment le plus fort, c'est-à-dire j'ai senti comment il était soulagé. Une étape de plus dans la communication entre les hommes était franchie. 11 juillet 1962, 0h47, la transmission des images via Telstar depuis les États-Unis est un succès. Quelques jours après, la France envoie par le même canal son programme spatial. Mais on n'oublie jamais le plomb qui vous met le cœur en fête quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens. Faire son métier, le public se souvient. la chansonnette. Tiens, tiens. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas. Oui, et ces images passées, ces performances, ces exploits, pour vous assurer maintenant que tout ça ne vaut pas, bien sûr, un clair de lune à Maubeuge. Et pourquoi donc un chauffeur de taxi n'aurait pas droit à la gloire populaire? Pourquoi Maubeuge n'aurait pas droit de cité parmi les capitales du monde? Le menhir que vous voyez en face de vous était un menhir qui était couché dans un bois qui était proche d'ici. Jean-Pierre Collin. Et qui a donc été ressorti de ce bois pour être transporté en face du bâtiment central. Et il a donc été érigé pour l'inauguration du centre par le général de Gaulle. Alors si vous voyez ce qui est écrit sur le menhir, bien entendu, ça commémore l'inauguration par le général de Gaulle le 19 octobre 1962. Le 19 octobre 1962, le général de Gaulle, président de la République, a inauguré la station spatiale de Pleumeur-Baudou. Monsieur Jacques Marette, ministre des Postes et Télécommunications, monsieur Pierre Marzin, directeur du CNET. Quand De Gaulle est venu, alors il y avait... Raymond Legrand. La présentation des officiels, évidemment. Puis il y avait le curé de Pleumeur, Augustin Legrand. Alors il se présente, Augustin Legrand. Et De Gaulle lui dit, le grand Charles. C'était marrant, hein. Pleumeur-Baudou, petit hameau de la région de Lannion, n'avait sans doute jamais reçu le président de la République. La présence de la station de télécommunication spatiale lui a valu, en même temps que la célébrité mondiale, cette réparation de l'histoire. Le général de Gaulle est en effet venu inaugurer officiellement la station bretonne et admirer l'oreille géante qui capte sous le radôme les ondes venues des USA via le satellite Telstar. Merci, merci, merci. Merci. Discours du général de Gaulle. Le 19 octobre 1962. C'est avec une satisfaction profonde, et j'ajoute avec fierté, que nous inaugurons ce matin ce menhir, autrement dit ce symbole de la très grande réussite qui vient de se révéler à Pleumeur-Baudou. Très grande réussite, technique d'abord, réussite nationale. Il est parfaitement vrai que cette station de Pleumeur-Baudou a été accomplie avec le concours de nos amis alliés américains qui ont pris l'initiative spatiale. Mais il n'en est pas moins vrai que la part nationale dans cet accomplissement est éminente et saisissante. Le jour vient où il sera bien difficile d'imaginer la guerre, quand tous les hommes, où qu'ils soient, seront en contact direct les uns avec les autres, se verront tels qu'ils sont et se comprendront. Autrement dit, seront les uns pour les autres des hommes. Vive Pleumeur-Baudou! Vive la science française, vive la Bretagne et vive la France. On a beaucoup étudié la Lune, sa masse, sa densité, son poids, son volume, sa constitution, ses mouvements. sa distance et son rôle dans le monde solaire. La photographie a donné de notre satellite des épreuves d'une incomparable beauté. En un mot, on sait de la Lune tout ce que les sciences mathématiques, l'astronomie, la géologie, l'optique peuvent en apprendre. Mais jusqu'ici, il n'a jamais été établi de communication directe avec elle. Au XVIIe siècle, un certain David Fabricius se vanta d'avoir vu de ses yeux des habitants de la Lune. Vers 1835, un opuscule traduit du New York American raconta que Sir John Herschel, envoyé au Cap de Bonne-Espérance pour y faire des études astronomiques, avait, au moyen d'un télescope perfectionné par un éclairage intérieur, ramené la Lune à une distance de 80 yards. Alors, il aurait aperçu distinctement des cavernes dans lesquelles vivaient des hippopotames, de vertes montagnes frangées de dentelles d'or, des moutons aux cornes d'ivoire, des chevreuils blancs, des habitants avec des ailes membraneuses comme celles de la chauve-souris. De la Terre à la Lune, Jules Verne, 1865. Avait un énorme retard. Mais ce retard nous a été un petit peu, par certains côtés, une chance, parce que, par exemple, on a été un des premiers pays à travailler sur la commutation numérique et à avoir des centraux de commutation de façon numérique qui ont été mis au point à Lannion. Bernard Loriot. Le premier s'appelait Platon, avait été nommé Platon. Quand on part d'une situation où on est très en retard, on prend aussi des solutions novatrices et on peut repasser en avance assez rapidement. C'est ce qui s'est passé. Donc pour la DSL, Lannion était en avance. Ah oui, pour la DSL, mais on ne parlait pas du tout d'ADSL à l'époque. Hein. Oh là là, on en était loin. All stations report for communications check. Antenna? Antenna air. At Cape Canaveral, private industry and government work shoulder to shoulder under a unique arrangement. In this project, the satellite was built, the launch bought and paid for by Bell Telephone. Bell Labs men are old hands at Canaveral. Tout ce qui s'est passé à Pleumeur-Bodou, en fait, a permis à la France d'exporter ensuite toute cette technologie dans le monde entier. Tout à fait. On a exporté des antennes de 3 mètres. Marcel Joran. En Nouvelle-Calédonie, à Papeete. On a vendu également la station de Gandoul au Sénégal, à Kakro, en Côte d'Ivoire. Symphonie qui a une station pour la télévision éducative, voilà une activité également qui était à Boaké. Akakro a fait partie pendant un certain temps de la station de télémesure dans les vols de fusées Ariane. Et donc, on a vendu des stations de télécom à travers le monde. Et tout ça, c'est le fruit de ce qui s'est passé à la longue dans le développement de Pleumeur-Bodou, évidemment, avec toutes les antennes que Pleumeur aussi a réalisées. L'implantation du CNET à Lannion ouvre pour le Trégor une période de développement économique avec l'implantation d'usines spécialisées dans les télécoms, à l'instar de LMT, LTT, SLE, SAT, l'industrie électrique et électronique, qui employait 200 personnes en Bretagne en 1960, emploiera ainsi 12 800 personnes en 1981, dont 5 500 dans les seules Côtes du Nord, ancien nom des Côtes d'Armor. Donc l'idée, c'était de permettre la liaison par satellite entre les anciennes colonies et la France ? Ah, évidemment. Par exemple, la Martinique. Il faut dire qu'avant, Albert Le Faou, les liaisons téléphoniques hertziennes entre la métropole et la Martinique se faisaient en grandes ondes. Et l'inconvénient de ce système, c'est qu'il n'y a que des vacations possibles dans la journée. Donc on pouvait communiquer à peu près 5-6 heures en milieu de journée. Et alors quand on est arrivé, nous, installer notre antenne, qu'est-ce qu'ils étaient heureux, ils sont venus tous voir qu'est-ce qu'on faisait, parce que là, ils pouvaient, à partir de là, téléphoner nuit et jour. Notre monde, Émission de la RTF du 6 août 1962. Bonsoir, bonsoir vous tous qui m'écoutez, du moins je le suppose, de Belgique, de Luxembourg, de Suisse et de Monaco, et également bien entendu de France. Donc ce soir, pour la seconde fois, vous allez recevoir en direct des images de New York, des images qui sont relayées au-dessus de l'Atlantique par le satellite américain Telstar et qui sont réceptionnées au sol par la station, le radome de Pleumeur-Baudou. Ce soir, il s'agit d'une émission en français qui va vous être présentée, je l'espère, dans quelques instants par Jacques Salbert lui-même de New York. Et cette émission, nous allons essayer maintenant d'établir la liaison avec New York. Allô Jacques, on a une image. Oui ? Oh, c'est merveilleux. Bougez encore un peu pour qu'on soit sûr que c'est vous. Je ne sais pas si je dois vous dire bonsoir ou si je dois vous dire bonjour, car il est 20h30 pour vous à Paris, il est 15h30 pour moi à New York. Je vous parle d'une terrasse qui se trouve au 29e étage de l'immeuble de la CBS. La rue que vous avez en face de vous, c'est la 44e rue. Le croisement que vous voyez, c'est le croisement avec la 3e avenue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un certain temps de Londres, j'avais demandé à Stéphane Goldman de participer à ma dernière émission à vous Londres. Or, Stéphane Goldman se trouve à New York parce que le monde est petit et le hasard est grand. Il avait composé pour cette émission une chanson qui s'appelait La chanson des exilés, Tu me manques. Tu me manques, et qui parle naturellement de Paris et de la France et qui est la complainte de tous les Français qui habitent l'étranger. Tu me manques ce soir, tu me manques, je sais bien, je sais bien. Je te verrai demain, mais demain c'est un autre jour. Tu me manques, tu me manques. Tu me manques toujours. Tu me manques. Tu me manques. Eh bien, merci Stéphane, vous aviez fait la dernière émission à vous Londres et vous faites la première à vous New York. C'est comme ça que va la vie. Eh bien, maintenant, Telstar, je crois, va disparaître bientôt de notre horizon commun. Il va donc falloir que nous rendions l'antenne. Mais avant de vous dire au revoir, je voudrais remercier tous les techniciens américains et français qui ont aidé à cette émission. Aussi bien les techniciens de CBS que ceux d'Andover, que ceux de Pleumeur-Baudou et que ceux de la rue Cognac-Jay. Ici New York, à vous Paris, bonsoir. Bon, eh bien, cela dit, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, pensez bien qu'on n'a pas fait ça pour rien. Pierre Marzin. L'idée, c'est qu'il y a deux choses extrêmement différentes dans l'utilisation de cette antenne. Il y a d'abord le côté économique. Le côté économique, c'est le téléphone. Il s'agit de transmettre 600 voix téléphoniques entre le continent européen et américain. Et dans quelques années, on aura besoin de ces 600 voix. Il y a un autre côté, c'est le côté politique. Je suis un peu moins armé pour vous en parler. Oui. Le côté politique, c'est la télévision, à mon avis. La télévision, c'est quelque chose qui va permettre à un pays riche, par exemple, de doter un certain nombre de pays, mettons, sous-développés, d'antennes de ce genre. Et ainsi d'imposer à tous ces pays, s'ils le veulent, du matin au soir, leur bonne parole. Nous avons d'un côté certains pays, d'autre part les autres. Ça nous promet des batailles pour l'avenir. Ça, c'est grave. C'est grave. Mais nous n'y pouvons rien. La technique, c'est une chose. L'utilisation de la technique, c'en est une autre. Kennedy's news conference is televised overseas. I understand that part of today's press conference is being relayed by the Telstar communications satellite. John Fitzgerald Kennedy, across the Atlantic, 1962. And this is another indication of the extraordinary world in which we live. So glad to participate in this operation developed by private industry, launched by government, in admirable cooperation. Vous pourriez nous dire quelque chose sur le radome en breton? Il y a, quand on a la radère que je vais quand la plus jardin ou d'un doute de ce chaud maman, il y a des radomes qui sont chichens, et les gouettes va, qu'elles avaient d'aborus, ou d'aborus, ou d'un doute de son indro, à prema hei et roi, c'est une guire, et qu'elles adorissent d'un don d'awalénia, c'est au mad huitom. Je Je suis allé aux fraises, je suis revenu de Pontoise, j'ai filé à l'anglaise avec une tonkinoise. Si j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers, j'ai même roulé carrosse et j'ai roulé les airs. Et je dis non, non, non, non, non. Oui, je dis non, non, non, non, non, non, non, non, non. C'était Un ballon dans la lande, l'aventure spatiale de Plumeur Baudou, un documentaire de Catherine de Coppet et Thomas Duterre. Avec Jean-Pierre Collin, directeur du CTS de 1974 à 1985, Marcel Jourand, technicien, Albert Lefaou, ingénieur, et sa femme Yvette, Raymond Legrand, ouvrier sur le chantier du CTS, Bernard Loriot, ingénieur de recherche. Oh, c'est fou ce que vous dansez bien, mademoiselle. Eh, vous êtes une habituée de la salle Waterloo, vous, hein? Marie-Laure Santander, interprète au CTS. Pierre Terrien, actuel maire de Plumeur Baudou. Et Serge Thomas, responsable technique actuel du Radôme. La mer rouge, la mer noire, la mer d'Iterranée. Prise de son, Marc Garvenès. Archivina, Hervé Evano, Sophie Enoch, Annie Lozana. Merci à la documentation de Radio France, aux archives des Côtes d'Armor, ainsi qu'à Sylvie Guignard de la Cité des Télécoms. Un merci tout spécial à Mathias Sietti. Le doux soleil de Tourcoing. Mixage, Jean-Michel Bernot. Attaché de production, Céline Leclerc, Marion Dupont, Aurélie Marseille. Un ballon dans la lande, l'aventure spatiale de Plumeur Baudou, un documentaire de Catherine de Coppet et Thomas Duterre. Voilà pour ce documentaire en première diffusion de La Fabrique de l'Histoire, signé Catherine de Coppet et Thomas Duterre sur Plumeur Baudou. Vous pouvez bien entendu le réécouter sur le site de La Fabrique de l'Histoire. Demain, nous continuerons avec des documentaires sur les années 60, mais des documentaires qui traitent des révolutions politiques des années 1960.